Dans quelques instants, Laurent et toute son équipe vont vous proposer un nouvel épisode de Destination Série. Pour le moment, installez-vous confortablement pour apprécier ce nouveau pré-générique. Là maintenant, nous allons ouvrir ce nouveau numéro de Destination Série avec un nouveau mur des hits. Et attention, c'est une version spéciale aujourd'hui, puisque c'est la version, le mur des hits, la tablette du dessus. De toute façon, on sait tous qu'au début, c'est Thomas Anders qui va remettre, donc je veux dire un... Alors... C'est pas forcément toujours le cas. Mais si, parce qu'il a dit en haut du panier, il a tout mis au pire. La tablette, ouais, mais bon... La tablette du dessus, c'est pas le haut du panier, on est devant un mur. Mais bon, de toute façon, mets-toi bien, mets du Tom Anders et puis voilà. J'ai bien compris, tu vas choisir un titre et la tablette... Il mettra un autre. Ça dépend. Il nous en fume avec ça, puis finalement, la dernière fois, on n'en a pas eu. Oui, on n'en a pas eu. En fait, c'est tout dans le... Il nous l'annonce, il nous en fout plein la tête, et finalement, ça n'arrive jamais. Vendredi dès 18h, Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 826e numéro, le 27e épisode de la 23e saison. Nous sommes le vendredi 16 mai 2025 et c'est un numéro exceptionnel de Destination Série qu'on va vous proposer. Vous allez voir, ça va être magique. Et pour présenter, animer, piloter cette émission, bien sûr, j'ai à mes côtés Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Sylvain qui est là aussi. Alors si vous voulez animer, préparer, proposer un super anniversaire, vous contactez Benoît et sa femme et franchement là vous allez passer un moment inoubliable. Et si vous voulez avoir un chauffeur avec une sacrée bagnole pour faire le tour de Nancy, je vais vous donner le numéro de téléphone de Sylvain, c'est le 06. Ça tombe bien, j'ai besoin d'un chauffeur tout à l'heure pour me ramener. Oui. Je vais appeler le 06. Alors, est-ce que tu aimes les voitures américaines? Ah, moi, je n'importe. Moi, je peux même remonter en deux chevaux. J'ai une deux chevaux, donc... Oui, alors là, vu la voiture... La voiture de Sylvain, on est loin de la deux chevaux. J'ai cru voir que c'était loin d'être une deux chevaux. Voilà, c'est une Mustang. Hein, c'est ça. C'est et ça. En plus, elle est rouge. Oh là là. Rouge avec des jantes noires. Tu vois, tu as toi aussi, t'as une voiture rouge. Ou tu avais, je sais pas. J'avais. Il paraît que t'as changé de voiture. Oui, j'avais. Ça aussi. J'avais, oui, j'ai dû me séparer de Dina. Et quelle couleur elle est maintenant? Maintenant, elle est grise. C'est gris titanium. Classique, d'accord. Bonjour. Donc, Sylvain. Bonjour Laurent. Oui, je suis bien arrivé en voiture rouge, c'est vrai. C'est mon frère qui a une très belle voiture et des fois, il m'en fait profiter. Et bonjour Laurent, bien sûr. Bonjour Benoît et bonjour à tous. Voilà, on a rarement fait une intro sur les voitures, mais comme quoi tout arrive. D'ailleurs, on a dit Mustang, ouais, c'est une marque, donc on peut dire que la mienne, c'est voilà, je reste fidèle à Renault. Voilà. Et moi, je suis piéton, donc j'ai pas de marque. Et moi, c'est Citroën, comme ça, voilà. Voilà, on reste, de l'autre côté, on reste français. Et bientôt Fiat, mais bon, ça, c'est autre chose. Et bientôt Fiat, mais de toute façon, ça fait partie du giron de Stellantis maintenant, oui, donc ça reste français, européen. Donc, bienvenue dans Destination Voiture. C'est, ouais, c'est ça. Ça, nous tu avons... sais qu'on a une licence pour Destination Jardin, de temps en temps. Oui. Aussi. On a une demi-heure, d'ailleurs, qui est libre entre 19h30 et 20h, et on est en train d'étudier ça pour la rentrée. Donc, aujourd'hui, je vous annonce c'est un numéro exceptionnel après vous avoir laissé tranquille quelques numéros. Pour ce numéro, nous allons nous faire un petit plaisir. Le deuxième album des Modern Talking est sorti, revisité par Christian Geller, le producteur de Tom Anders. Et pour faire plaisir à Benoît, je n'ai pas choisi des remixes, j'ai choisi des chansons inédites. Bien. Et donc on découvrira ça aux alentours de 18h15. Mais il est où le mur des hits? Alors, pour ne pas... voilà, je suis direct. J'aurais pu proposer un mur des hits de Tom Anders, mais comme j'avais des chansons précises à proposer, je me suis dit, pour une fois, on va mettre le mur des hits en pause. D'accord. Et on fera un mur des hits spécial Eurovision la semaine prochaine. Ah, mais ce sera trop tard, ce sera fini. Oui, mais si la France a gagné, on fera un spécial Louane. Et si la France a perdu, Et si Cage a gagné, on fera un spécial Cage. Parce que ça reste toujours le grand favori, mais quand même, je tiens à le dire, demain c'est l'Eurovision, c'est à Bâle, et toutes les chansons françaises se sont qualifiées en finale, donc nous avons 5 chansons françaises sur 26 demain à Bâle en Suisse. C'est quasiment, ça n'est jamais arrivé. Alors je voudrais quand même signaler une chose, c'est que j'ai survolé les sélections pour l'Eurovision. Et l'impression que j'ai eue, alors j'ai pas tout regardé parce que je préparais l'émission et je faisais le pré-générique. Alors quand tu fais le pré-générique, tu peux écouter la télé. C'est sûr. Et j'ai eu l'impression quand même que tu nous avais proposé le meilleur. Eh oui. Parce qu'à côté, on retombe sur cailloux. Oui, il y a quelques trucs. Mais ça s'écoute quand même plutôt pas mal. Pour avoir regardé en intégralité les deux demi-finales, mardi et hier soir, j'ai trouvé franchement qu'il y avait quand même du niveau, que c'était très hétéroclite. Il y en a pour tous les goûts. Et je trouve que voilà, ça va être difficile. Parce que franchement, les 5 chansons qui sont les 5 favorites, qui sont les 5 titres que je vous ai passés... Est-ce que ce sont tes favoris, Benoît? Alors, oui, ce sont mes préférés également. D'accord. Et c'est dans des styles complètement différents. Il n'y a rien à voir entre Louane, qui est la troisième favorite, et nos Suédois de Cage, ou entre les deux de Gigi, notre ami autrichien, dans un style complètement différent. Il y a aussi d'autres chansons qui sont moins favorites, mais qui sont des chansons un petit peu qui respirent la bonne humeur et tout. Voilà, il y a plein de choses intéressantes dans cette Eurovision. Et puis surtout, moi, ce que j'adore aussi, c'est les deux présentatrices. Franchement. Je pense que c'est les mêmes qui présenteront samedi. Il y a une ancienne de l'Eurovision qui a pris 30 ans et qui joue qui joue sur son âge aussi, qu'elle est plus aussi jeune. Et puis une comique qui se trimballe hier soir, si vous l'avez vu, avec une gamelle remplie de fromage suisse, de fondu, avec un grand pic et avec des énormes morceaux de pain qui trempent là-dedans et qui fait de manger aux chanteurs comme ça. Alors ça dégouline. aussi bien chez elle, parce qu'elle montre l'exemple, que chez les chanteurs, la fondue suisse. Je trouve ça vraiment autodérision maximum pour nos amis suisses. Alors, en tout cas, avant d'attaquer le 7 actu, je voudrais dire une chose, c'est que je ne te remercie pas, puisque j'avais décidé, après l'année dernière, de ne pas regarder l'Eurovision, mais tu m'as donné envie de regarder, donc je vous félicite pas, mon cher. Eh ben, tant pis. Sylvain. La seule anecdote que j'ai retenue, c'est que ça se passe à Bâle, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Avec un grand accent sur le A. Et c'était le premier Eurovision qui a eu lieu au même endroit. Exactement. La toute première année. Oui. Exactement. Effectivement. La boucle est bouclée. C'était en 1954. C'est tout ce que j'ai retenu avec 56. Les musiques que tu nous as fait profiter. Voilà. Donc on fera un petit brillant, un débrief vendredi prochain. Destination Eurovision. Voilà, destination Eurovision. Et un message à tous ceux qui sont susceptibles ou qui vont perdre. Au moins, en étant à Bâle, vous pourrez jouer à la balle, au ballon, ce que vous voulez. Ça pourra vous occuper et vous détendre après une défaite. C'est tout de suite. Si, je sais, c'est nul, mais c'est moi. On a connu meilleur. Mais bon, vraiment, on est dans la thématique. Ouais. J'aurais pu te dire... J'espère que celui qui est à Bâle ne ressemblera pas à celui qui est dans Stargate SG-1, puisque là, c'était pas top. Voici... Ah, j'aurais pu le faire aussi, j'espère qu'il tombera pas dans le trou. je voulais éviter les sujets scabreux. C'est plus drôle, là, c'était plus drôle. Oui, mais on aurait pu déraper. Et... L'émission est commencée, là, ou pas ? Non ? Alors écoute, j'en sais rien. Hein. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si l'émission Est-ce a commencé ? Est-ce qu'on est à l'antenne, là ? Alors, 18h11, ça va, fait pire. On a fait pire. Normalement, si l'émission a commencé, normalement, là, si j'appuie sur ce bouton, je devrais avoir le 7 actu. 7 actu avec Laurent et Benoît. Oui, parce qu'au niveau du site actu, on n'a pas de l'info. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en ce moment, c'est un peu du côté du site actu. Pour moi, c'est un peu Koh-Lanta. Ah oui. C'est-à-dire que il faut que j'aille vraiment au fond des fonds pour trouver quelque chose. Ça se sent un peu dans les infos. Bah écoute, excuse-moi, je fais ce que je peux. Non, mais il y a pas matière, il y a pas matière. Il y a pas matière, mais j'arrive quand même à trouver des choses. J'adore ce genre d'article. Un personnage emblématique de retour dans HPI. Est-ce que réellement, Benoît, toi qui connais HPI sur le bout des doigts, est-ce que ce personnage est véritablement emblématique ? Bah non, c'est Serge Alvaro, bon voilà... C'est plus l'acteur, je pense. Ouais, c'est peut-être plus l'acteur. Mais effectivement, il fallait redonner une petite vision, revoir Patrick Chenet qu'on avait adoré. Et ben, il va refaire un petit tour prochainement. On l'a pas encore vu. Il était pas là. Il est en prison, je crois. Il était en prison. On l'avait pas revu. Hein. Il avait fait une apparition et après. En prison. Ouais. Et donc de mémoire, on l'a pas vu hier. Hein. Non, on l'a pas vu hier. Hier, ils étaient avec Kiefer. Voilà. Ah oui, c'était magnifique. J'ai d'ailleurs fait cette allusion à Manon par WhatsApp. Elle m'a pas répondu. Est-ce qu'elle a vu de quoi je parlais ? Je suis pas sûr. Bien sûr, ce compte à rebours avec cette petite musique, franchement. Même la sonnerie de téléphone. C'était génial. Effectivement, voilà. D'ailleurs, c'est depuis des années, c'est ma sonnerie. C'est sa sonnerie, oui. Donc ça ne l'ai jamais changé. J'ai cru à un moment donné que c'était le téléphone de Laurent. Ouais. On aurait pu voir pareil, hein. Laurent apparaître à la télé. Et moi, ça fait des années, je l'ai sur mes différents téléphones. Ouais, alors pour ce téléphone-là, il a fallu que je fasse un fichier spécial. Mais je peux pas quitter. Cette série m'a tellement marqué. C'est vrai. Et donc voilà, si tu n'étais pas là à l'époque, mais c'était notre série phare. Nous, on a passé combien de soirées à regarder ensemble ? Disons qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Oui. Il y a 20 ans. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis pris 20 ans dans les dents. Voilà. Et c'était bien. Mais c'était une belle journée quand même. Hein. Exactement. Mais voilà, et on aurait tant aimé qu'il revienne, mais non, il ne reviendra sans doute jamais. Une tentative a été faite avec une version, on va dire, une nouvelle version avec un acteur dont j'ai oublié le nom. Franchement a fait le job. Qui a fait le job. Qui aurait mérité une saison 2. Qui aurait mérité de poursuivre l'aventure 24 heures chrono, mais ça n'a pas. Voilà, justement, j'aimerais bien que cet agent-là parte en Russie et qu'il me ramène mon Kiefer. Enfin, qu'il me ramène mon Jack. Parce qu'on s'était toujours dit, quand Kiefer Sutherland et Jack Bauer est parti en Russie, qu'il allait revenir un jour. Et ben non, ça fait quoi ? Ça fait bien 15 ans qu'il y est. Hein. C'est ça. La deuxième info, alors là, Normalement, Benoît, ça doit te faire plaisir, puisque c'est une série. On va parler d'une série qui n'est pas encore tournée, d'un pilote qui est en cours d'écriture. Claire Kame, dans le pilote d'une future série de TF1. Un crime presque parfait. Alors, c'est pas très innovant comme titre de série. Écoute, tu vas voir le sujet. La personne revient après des années. Il y a quelqu'un qui va mourir. Elle va être accusée. Ils vont mener l'enquête et ça sera pas elle. Exactement. Et c'est une romancière célèbre dans le monde entier, la digne héritière d'Agatha Christie ou d'Angela Lansbury dans Arabesque, hein, dans le même style. Elle est spécialisée dans le crime parfait. Jugée sur des talons vertigineux, la quarantaine, très intelligente, un humour assassin et une vision assez noire de l'âme humaine, ce qui est tout le contraire de son assistante, Pika. Pika, quel drôle de nom. Cheveux en pagaille, t-shirt de très mauvais goût, rire sonore, tendresse pour l'univers tout entier. Pika galère pour satisfaire sa fantasque patronne qu'elle admire inconditionnellement. Mal assorti, mais parfaitement complémentaire, ce duo est confronté à sa première enquête, la mort d'Yves Kayat, patron d'un groupe de luxe international retrouvé dans la piscine de sa somptueuse villa corse. Ça pourrait être un sujet pour toi, Sylvain. Combien de gens on a retrouvé morts dans une piscine? Il y a du dossier là-dessus, il y en a. Hein. Là, à mon avis, je laisse une semaine peut-être parce que là, il y a du. Non, mais ça pourrait être une idée. Hein, okay. Parce que merci. On en a vu plusieurs. Bah, moi, je peux t'en sortir un tout de suite. On me parle de piscine. Je pense à un feuilleton mort dans une piscine. Il y a Christine Shepard dans Dallas. Exactement. Oui, je ne pensais pas à elle, mais effectivement, il y a elle aussi. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans Dallas? Oui, c'est vrai. Bah, en 14 ans. Et donc, si la police va conclure à un accident, ce n'est évidemment pas l'avis de Laure Modot, car Yves était un monstre et tous les membres de sa famille auraient pu souhaiter sa mort. Voilà, aidé par Pika, Laure va enquêter et profiter pour trouver de la matière pour son prochain roman. Alors, sans vouloir, ça ressemble aussi un petit peu aux enquêtes de Monsieur Parisot. Parce que le dernier Monsieur Parisot, c'était un peu ça. Il y avait une histoire de livre et tout. Et puis à la série de... Il y avait d'ailleurs, je crois, un mort dans la piscine, non? Dans Monsieur Parisot. Oui, il y avait un mort dans la piscine. Un mort dans la piscine. Oui. En voilà encore un autre. Oui. Et ça me fait penser à... un coup de théâtre, je sais pas. Toi ça va, t'es en train de préparer un truc pour le site, mais t'as failli te prendre un téléphone. D'ailleurs, moi j'ai croisé des gens qui étaient d'accord avec moi. Hein, le coup de théâtre était dantesque. Et là, moi ça me fait penser à la série Julie de Bonnat. À la série de Julie de Bonnat. Ah, de Julie de Bonnat. Comment ça s'appelait? Elle était écrivaine elle aussi. Ah oui. Donc la TF1, ils ont vu le carton avec Julie de Bonnat, ils veulent nous refaire une autre série dans le même truc. Exactement. Une romancière qui mène l'enquête. Et ben voilà. Voilà donc facile d'innover hein. Ouais, voilà. En tout cas, bon, ils jouent avec Claire Kane que les gens adorent, donc d'accord. Oui. Il y aura aussi Clémence Lassalas qui jouera Pika. Ah oui, alors elle. Voilà, on aura aussi Marianne Chazelle qu'on voit de temps en temps aussi. Oui, voilà, coucou. Et le chanteur de groupe du groupe Naïve, New Beaters Esteban. Voilà, on est complet. Une nouvelle info dans le 7 Actu. Alors attention, vous avez annoncé à grand renfort de tambours, de trompettes, de paillettes et compagnie. On était au bord de faire un buffet en se disant « Ouais, Siout revient !» Eh bien oui. Là, Siout, une saison et là, dehors. Eh ben ouais, Stéphane Hamel, eh bien on l'aime plutôt en costume, en costume veut dire en déguisement plutôt qu'en costume classique, puisque autant il était vraiment, c'était lui, hein, le beau gosse, c'était lui, Arrow, hein, voilà, c'était une série que j'ai adoré jusqu'au bout. Et qui est un bel arche avec un beau final. Mais voilà, la nouvelle grosse série de Stéphane Hamel depuis, bah c'était un peu celle-là. Mmh. Il avait déjà fait quelques tentatives, mais qui avait avorté. On misait beaucoup sur Suite LA. Eh bien non. Une petite saison et c'est tout. Bye bye. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, la cata de la saison. C'est un peu la cata de la saison, et pourtant, ils avaient mis un peu d'argent sur la table, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Bon, après, c'est difficile, hein, les demandes des avocats, il y a quand même certaines séries qui sont phares, hein. Il y a ta série fétiche... Il y a eu The Good Wife, The Good Fight, et The Good Fight, qui sont des petits bijoux du genre. Donc après, moi, je me souviens de La Loi de Los Angeles. Oui, aussi, avant. Qui, ouais, à son époque, a été un carton et une excellente série. C'est vrai que l'univers des avocats, voilà, c'est peut-être pas... Il faut faire comme TF1. C'est des écrivains qui étaient à la pêche, reviennent. Ou ils qui font du vélo. Ils font du vélo, du karting. Ou alors, ils bossent avec Boudère, ils font des coups de théâtre. Et hop, ils viennent mener une enquête. Et ça fonctionne. Il y a pas à dire en ce moment. C'est, il faut que tu butes quelqu'un pour que ça intéresse les gens. Après, j'avais pas vu. Quelqu'un avait vu Suite, c'est la version de départ. La version de départ, oui, voilà, c'est excellent. C'était, ouais, c'est bon. Bah, c'est excellentissime. Mais le problème, c'est que c'est dans l'univers des avocats, et c'est vrai que c'est pas en ce moment, c'est pas un sujet, d'accord, porteur. Et ceci explique peut-être un peu cela du côté du mur que la série vient de se prendre. Sylvain. Oui, moi, par contre, je suis nostalgique. Je suis en train de re-regarder. Je crois que c'est sur Disney+. C'est Ally McBeal. Il y avait des vraies bonnes idées dans cette série qu'on n'a pas aujourd'hui. Bah, c'était burlesque. Mais c'est ça, c'était mettre en image ce qu'elle pensait. C'est, voilà. C'était vraiment bien pour des trucs d'avocat, justement. Là, il y avait une énergie positive. Mais c'est mon tort, je vais dans le positif en ce moment. Tort, je sais pas. Benoît ? Incompris, peut-être. Tu voulais dire quoi ? Non, c'est bon, rien. J'ai dit. Alors là, on arrive à l'avant-dernière info. Ça concerne une nouvelle série dérivée de NCIS. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je n'avais pas pris celle-là. Il n'est pas dans le bon tableau. Tony et Ziva, on a déjà une bande-annonce qui arrive sur le net. on un peu sec, là. On en pense quoi de Tony et Ziva ? Est-ce que réellement le succès sera au rendez-vous ? Je ne sais pas. Ça s'effrite, ça s'étiole un petit peu. Hein. Les NCIS, plus on en fait, moins ça fonctionne ou ça fonctionne pas si longtemps que ça. Il y en a une qui a été annulée, hein. Rappelle-moi, c'est laquelle. Alors, ils ont annulé Los Angeles. Los Angeles, mais avant, ils avaient eu quand même une belle période. Il y a eu une belle période. Ils ont annulé. Avant, ils avaient annulé New Orleans. Ouais, qui a duré qu'une saison, non ? Ah non, il y a eu 5, 6, 7 saisons. Ah bon ? Oui. New Orleans. Mais il y a une paire de saisons que M6 n'a pas diffusées. Ah, okay, on a normalement NCIS Hawaii qui est toujours en activité. Et on en a une autre du côté de l'Australie. Okay. Mais c'est vrai que du côté du NCIS, pendant longtemps, on disait que certains producteurs, certaines franchises, on tirait sur la corde. La NCIS, c'est même plus qu'on tire. Hein. C'est qu'on la coupe en morceaux, on en rajoute, on fait des soudures. Là, on change un peu de registre. Hein. C'est un peu différent quand même. Hein, parce ça va être feuilletonnant, c'est apparemment. Action, drame familial, romance. Ça se passe en Europe. Enfin, c'est très décalé, hein, pour oui. le coup. Ça va trancher avec ce qu'on a jusqu'à présent. Donc ça mérite peut-être qu'on s'y intéresse. Ah oui, parce qu'on n'est pas dans l'univers copier-coller. Ah, je pensais que tu étais au courant. Non, bah, j'ai pas ouvert cette page. J'avais pas ouvert la page, donc du coup, j'apprends direct. Alors écoute, là, moi, j'ai pas ouvert la page, je te fais confiance. On va parler tout de suite. Oui, tu voulais dire un truc ? Non, rien. On l'écoute, non ? T'as la bande-annonce, c'est ça ? Voilà, parfait, on y va. Non, non, j'ai pas la bande-annonce. Non, j'ai cru qu'on allait avoir la bande-annonce. Bon, non, on n'a pas la bande-annonce, mais lui, il a quelque chose à dire. Bah oui, j'ai fait mes devoirs, mais c'est vrai que t'as donné l'info un peu tard pour le conducteur, donc je comprends Benoît, malheureusement. J'ai fait mes devoirs. Non, mais c'est un c'est peu pas tard pour le conducteur. Quoi, du côté de NCIS, tu plaisantes ? Non, mais j'ai pas ouvert la page, là, c'est tout. J'avais préparé un peu avant, mais j'ai pas ouvert cette page-là. Bon, en fait, pour autant dire les grandes lignes, bon, je l'ai déjà dit, ça se passe en Europe. Ils élèvent leur fille, qui s'appelle Tali, à Paris. Ça, c'est ce qu'on apprend. Alors, est-ce qu'ils seront vraiment à Paris ou alors le Paris brinque-ballant comme on a eu dans NCIS Enquête Spéciale ? J'ai pas vu les épisodes, j'aimerais bien te répondre. Tony est à Paris, soi-disant dans NCIS, mais il est à Paris comme moi, je suis à South Fork. Non, on va recadrer en fait. Pourquoi l'Europe ? C'est parce qu'ils sont en train de fuir. Ils sont pas là pour y habiter et passer une vie tranquille. Ils fuient à travers l'Europe. Donc, ils vont passer à Paris et certainement d'autres pays également. Mais c'est qu'une étape, hein, en fait. Hein. D'accord. C'est pas situé à Paris pendant toute la saison, j'espère, en tout cas. Oui, mais ça répond pas à mes questions. Mais je peux pas te dire, je l'ai pas vu. Bah moi non plus. J'aimerais bien te répondre, mais le tournage a débuté en 2024. Paris, Budapest, voilà des villes qui ont été citées. Ok. Voilà. Mais après... Alors, on sait ce qui fuit ou pas ? Alors, c'est une très bonne question. C'est l'entreprise de sécurité de Tony qui est attaquée. Il a une entreprise de sécurité. Elle est attaquée et il est contraint de fuir. Et comme il est en couple avec Ziva, qu'ils ont un enfant, ils fuient tous ensemble et c'est leurs aventures qu'on va vivre. Okay. Donc on attend la suite avec impatience. Et dès qu'on a la VF, plus, hein, c'est Paramount+. Ouais, et dès qu'on a la VF, on diffusera la bande-annonce. Absolument. On termine cette actu avec une info que Benoît a découverte hier sur le net, qui a dit « Ryan Coogler est parfait ». Eh ben, c'est Gillian Anderson. Et pourquoi elle a dit ça, Guigui ? Eh ben parce que à l'occasion, c'est lui qui va faire le reboot de X-Files. Et donc, pour elle, eh bien, elle trouve qu'elle a parlé avec lui et elle estime que c'est lui qui aura effectivement la meilleure chance de réaliser le meilleur reboot de The X-Files. Voilà. Alors, c'était quand même pas mal, cette actu ? Oui, très bien. Même si j'ai gratté le fond. Non, mais j'ai pas dit ça, mais on sentait bien que c'était pas du scoop, il y avait pas de scoop, quoi. Voilà, bah, c'est ça. Tu veux que je fasse quoi, Benoît ? Je sais pas. Hein ? Non, mais c'est tout. Bah, voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau cette actu. Et on vous l'a dit, hein, à la fin du mois, pas d'émission, on sera du côté du jardin de Michel avec Sylvain en train de jouer de la guitare. Mais on est là la semaine prochaine, normalement. C'est ce que je viens de dire. Pardon, oui, la semaine prochaine, on sera là pour un nouveau cette actu. Mais à la fin du mois, on ne sera pas là, hein, je répète. Car on sera du côté du jardin de Michel pour jouer de la guitare. Vroom, vroom. Non, gling, gling. Gling, gling. Pas vroom, vroom. Vroom, vroom, c'est la Mustang. Ça. Ah oui, ou alors t'as été marqué par la Mustang, toi. Oui, oui. Tout de suite, voici la première pépite du jour. Ça s'appelle Love Society. Alors, c'est pas le titre qui a été choisi pour être le single de la ressortie de Let's Talk About Love. Le nouveau titre qui a été choisi, c'est Don't Break My Soul, qu'on entendra plus tard. Mais là, moi, je mets celle-ci en avant car c'est ma chanson préférée sur les deux inédits qu'on a découverts sur la relecture de Let's Talk About Love des Modern Talking. Ouais, donc il a ressorti l'album et en ressortant l'album, il a rajouté quelques inédits. Donc, à chaque fois, on aura deux inédits. D'accord. Et donc là, voici le premier inédit de Let's Talk About Love, un titre qui aurait pu sortir dans les années 80 avec le deuxième album des Modern Talking. Mais là, c'est Christian Geller qui est aux manettes et Tom Anders au micro. J'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Alors, je suis désolé, j'ai zappé l'intro. Oui. Et mais j'ai pas envie de couper. Bah, je sais, j'ai prévenu, ça allait être compliqué de... On peut mettre un peu plus fort si tu veux qu'on en profite. Alors, bien sûr, vous l'aurez reconnu, on parle de l'agence Tourisque aujourd'hui dans Secrètement Vôtre. Pourquoi ? Parce qu'on a vu le film cette semaine qui a été diffusé sur W9, le remake, bien sûr. Mais on va pas parler du film, on va parler de la série originelle. Alors, cap sur les années bien sûr 80, les gros flingues, les pneus qui crissent et les méchants qui volent dans le décor mais sans jamais saigner, c'est important. Bienvenue dans l'univers explosif de l'agence Tourisque ou The A-Team pour les puristes bilingues en playback. Alors, accrochez vos ceintures dans le van noir à bandes rouges car voici quelques secrets bien planqués sous le capot. Dans le premier épisode, ça on ne le savait peut-être pas, le beau gosse de l'équipe Templeton Peck, alias Futé, n'était pas joué par Dick Benedict, mais par un certain Tim Dunigan. Problème, les producteurs l'ont trouvé trop jeune pour un vétéran du Vietnam. Résultat, ils l'ont remplacé par le véritable acteur qu'on connaît aujourd'hui, Dick Benedict, dès l'épisode 2. Autre personnage qu'on connaît bien aussi, c'est George Peppard qui joue Hannibal Smith dans la série, le chef bien sûr charismatique de l'équipe. Il était peut-être toujours sur le pont à l'écran, mais il refusait catégoriquement de monter dans un hélico. C'est un peu ballot pour une série d'action. Alors que son personnage se balade sans trembler dans toutes sortes d'engins volants, lui, sous le tournage, faisait appel à sa doublure dès qu'on décollait. C'était pas forcément l'anecdote. Alors, pour anecdote, la série avait un tel succès, c'était une usine, hein, le tournage. On a quand même pas mal de scènes avec le van où on voit qu'ils sont pas dedans. Hein. et à l'époque, on se prenait pas la tête. Hein. Dès qu'on prenait un virage, qu'on s'approchait de la caméra, t'avais les figurants qui tournaient la tête pour qu'on ne voit pas leur visage. Mais on se rendait bien compte que ce n'était pas eux qui étaient encore dans le van. Hein. On le fait encore aujourd'hui. Hein. Alors, l'agence touriste, bien sûr, c'est le paradis des explosions. Des vannes aussi, mais des mitraillettes, des voitures qui font des tonneaux. Mais il y a zéro sang, zéro cadavre. En fait, la consigne des producteurs était claire. De l'action, oui, mais pas de traumatisme pour les enfants. Résultat, body count proche de zéro. Alors, c'était même pire que ça. C'était les associations contre la violence à la télévision qui tiraient à boulets rouges sur la série. Et la solution que Stephen G. Cannell avait trouvée, c'était pas de réduire les scènes d'action de cascade, mais c'était notamment à un certain moment de faire sortir les cascadeurs des véhicules pour montrer aux téléspectateurs « Non mais il n'y a rien de grave, regardez, la voiture a fait des tonneaux, mais ils sortent, ils sont vivants. » C'est vrai. Par contre, là, je ne sais pas si tu avais cette anecdote, le chien de Mr. T avait la meilleure loge sur le tournage. Oui, vous avez bien entendu, Mr. T venait souvent accompagné de son Doberman et ce dernier avait sa propre loge sur le plateau. Un coussin moelleux, nourriture bio, ambiance zen, le rêve. Voilà pour les secrets bien gardés de cette équipe pas comme les autres qui tire sur tout ce qui bouge, mais avec le cœur. Capitaine, on a un nouveau cadavre. Mais c'est pas vrai, il y a un microclimat chez vous ou quoi? Pourquoi vous arrêtez pas ce type avant qu'il tue toute la famille? Mais je fais ce que je veux, t'es pas ma mère, hein? Alors maintenant, on enfile la chapka, on grimpe dans le Range Rover de 1988, encore une histoire de voiture, et on suit les traces de la plus déjantée des gendarmes, bien sûr le capitaine Marlowe. Alors saviez-vous que la célèbre chapka de Marlowe n'était pas qu'un accessoire contre le froid? Au départ, Corinne Massiro la portait pour se protéger du vent quand elle tournait le téléfilm Entre vent et marée. Mais la réalisatrice José Dayan a décidé de la garder en clin d'œil à qui? À Marge Gunderson. Et pour les spécialistes un peu du cinéma, on va dire, c'était la chef de police dans le film Fargo des frères Coen. Et Marge Gunderson avait une chapka qui était très reconnaissable et iconique dans le film. Le nom de Marlowe est aussi une référence à un célèbre détective privé, Philippe Marlowe, le héros des romans de Raymond Chandler, un hommage qui est subtil et qui place notre capitaine dans la lignée des enquêteurs légendaires. Alors chaque épisode accueille une guest star. Dans la 7e danse qui a été diffusée le 9 mai, on n'a pas effectivement eu l'occasion d'en parler après coup, puisqu'il n'y a pas eu d'émission, la comédienne Emily Deacon faisait sa dernière apparition à l'écran et le tournage effectivement réalisé entre deux traitements de la comédienne a été un moment fort pour toute l'équipe. Voilà, c'était un peu particulier cet épisode. Dernier point, le prénom de Marlowe n'est jamais mentionné dans la série. Selon certaines sources, alors là, il va falloir être, très secret, elle s'appellerait Sylvie. Mais la réalisatrice, José Dayan, préfère entretenir le mystère, refusant catégoriquement d'en parler. Voilà, c'était les secrets bien planqués derrière la chapka et les punchlines qui claquent. 162 QI, haut potentiel intellectuel, HPI, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Et pour terminer, bien sûr, on reconnaît tous l'héroïne de HPI et on va enfiler une chapka, mais à paillettes cette fois-ci. On mâche un chewing-gum XXL et on plonge dans les secrets de tournage de la 5e et dernière saison de HPI. Alors le tournage de cette ultime saison a débuté en novembre 2024 dans les Hauts-de-France. On a visité Lille, Roubaix, Mont-Saint-Barœul et même une incursion en Belgique pour ce tournage, en région flamande. Alors la saison 5 débute sur un ton plus tendu, on a vu dans l'épisode d'hier soir, la narration est inspirée plus de la série 24 heures chrono, pense que c'est plus un secret maintenant. Yes. Morgan et Karadek, désormais colocataires et parents d'un bébé de 3 mois, doivent jongler entre enquête criminelle et couche culotte, le tout sur fond de grève de la crèche. Ça, c'est pour le décor. Savez-vous que le chewing-gum, en fait, sur le tournage, c'est un accessoire qui n'était pas très simple à gérer. Audrey Fleurot, qui incarne donc Morgane, elle a eu du mal à trouver des chewing-gums qui permettaient de faire des belles bulles. Et ce sont finalement des fans de la série qui ont identifié la bonne marque et ont apporté des cartons de confiserie sur le plateau pour l'aider. Cependant, la marque spécifique de ces chewing-gums n'a pas été divulguée publiquement. Il est possible que je connaisse la marque, mais je ne sais pas si j'ai le droit de la citer. Bon, en général, on fait pas de pub. Donc, on n'en parle pas. Voilà, c'est une série qu'on connaît bien. Enfin, c'est une marque qu'on connaît bien. Elle est populaire en France, mais ça n'a jamais été confirmé de toute façon. Donc, on va pas la citer. Le personnage de Morgan Alvero a été inspiré par le fils du co-créateur de la série. Ça, je pense qu'on le savait déjà. Nicolas Jean, qui est à haut potentiel intellectuel. Voilà, il souhaitait créer un personnage qui lui ressemble, vivant dans un monde qui ne lui est pas adapté. Voilà pour les secrets bien gardés de cette 5e saison de HPI. C'était secrètement vôtre. À la semaine prochaine pour d'autres révélations sérieuses, mais pas trop. Alors moi, j'aurais une chose à rajouter. Ah ? Est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Pour quelle raison Morgane n'est plus dans la maison où elle était dans la précédente saison ? Alors, tu pars par rapport au tournage, pas par rapport à l'histoire. Dans l'histoire, le premier épisode débute et voilà, elle se fait éjecter de sa maison, elle perd sa maison et elle est obligée d'aller chez Karadec. Pour quelle raison, dans l'histoire de la série, excusez-moi, pour quelle raison elle quitte cette maison et elle se retrouve dans l'appartement de Karadec ? Alors ça, c'était dans le résumé, mais là, j'avoue, j'ai... Non, mais ça, c'est dans les coulisses. Ah, d'accord. Il y a une raison qui s'est passée. La maison était vendue ou louée, simplement. Eh bien, c'est ça. C'est que en terminant le tournage de la précédente saison, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas re-signé un bail. Et ils avaient un gros problème pour la saison suivante, c'est qu'ils n'avaient plus la maison où elle était. Donc, ils se sont dépêchés de tourner, tant qu'ils avaient le bail, la scène où elle se fait éjecter de la maison, pour pouvoir installer l'intrigue où elle se retrouve contrainte et forcée d'être chez Karadec. Bah, comme quoi, des erreurs ou des oublis créent des nouvelles situations intéressantes. Et par contre, là, j'ai une alerte info Benjamin qui vient de tomber. Et là, mesdames, messieurs, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai abandonné. J'ai la gorge qui me pique. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. J'espère que ça ne va pas recommencer comme en début d'année. Il y a une alerte info Benjamin qui est tombée et moi qui ai abandonné ce feuilleton depuis des mois, voire plus d'un an, l'info concerne Demain nous appartient. Devinez quelle actrice va intégrer le casting de Demain nous appartient. Elle a obligé, moi je vais réintégrer le feuilleton et je vais regarder le feuilleton. Ah bon ? Oui, parce que alors, là, c'est énorme. Là, il y a déjà eu des grands acteurs, des grandes actrices qui sont passés par Demain nous appartient. Mais alors là, c'est un faux. Tandis que plusieurs personnages ont récemment quitté Demain nous appartient. Est-ce que c'est vrai, Benoît ? Oui, ça rentre, ça sort. Hein. C'est régulièrement maintenant, mais je sais pas, c'est un faux. Vas-y. Un nouveau visage va bientôt débarquer à 7. Corinne Touzet va incarner la sœur d'un personnage phare de la série de TF1. Corinne Touzet rejoint officiellement le casting de Demain nous appartient, comme l'a annoncé TF1 dans un communiqué de presse. L'une des icônes du petit écran en France, comédienne phare des années 2000, elle a incarné pendant 12 ans Isabelle Florent, inoubliable, dans Une femme d'honneur. Après avoir joué ces dernières années, dans différentes choses, elle va intégrer le feuilleton apparemment dès la fin du mois de juillet. Elle a fait ses premiers pas sur le plateau de tournage ce mercredi 14 mai. On devrait la voir déjà dans Monsieur Parizeau, normalement. Yes. Oui, c'est la prochaine étape d'abord. C'est celle qui... Eh oui, elle était là, non, il n'y a pas longtemps. Là, ça lui fait tout... Il y amenait tout chose. J'ai un truc, là. C'est l'effet que j'ai pas mangé de cacahuète, hein. Donc, c'était l'info Benjamin qui vient de tomber, sans nous faire mal. Et merci Benjamin, je savais que tu serais content de revoir notre coco. Voilà. tout de suite, dans Destination Série, remarque une nouvelle pause. Dans quelques instants, on aura le rétroviseur. Oui. Il va falloir désigner les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Et là, du côté du casting, on a du lourd. Hein. On n'aura pas de mal pour trouver la première place, à mon avis. Hein. Bon, eh bien, détrompe-toi. Oui. Parce que tu penses à qui en première place ? Bah, HPI, quand même. HPI ? Eh bien, vous allez être surpris. Ah, bon, on va le mettre en deux, alors. Attends, c'est pas deux, possible. Tout de suite dans Destination Série, que mes deux acolytes... Ça s'appelle du teasing, là. Il va nous faire croire que, pour nous faire encore perdre du temps, hein, qu'on passe un quart d'heure à essayer de savoir qui n'est pas... C'est de l'esbrouf, j'en suis sûr. C'est de l'esbrouf, on la refait pas, nous. Allez, trop bien. Le clip est magnifique, si vous voulez le découvrir, allez sur samedi.fr ou sur YouTube. Hein, c'est devenu un rendez-vous samedi de pas mal... Samedi avec un C, bien sûr. Samedi avec un C. Samedi, de vous envoyer sur le site pour découvrir Don't Break My Soul. Alors, si vous avez bien suivi, c'est le single qui est un peu qui vante l'album, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. On a bien suivi. Hein. C'est ça. Et Sylvain et moi, on était fans du premier titre. Oui. Voilà, c'est ça. En boucle. Ils m'ont tellement gonflé que j'ai zappé l'introduction On le fredonnait. Sylvain, Oui, je le fredonnais. Donc voici Don't Break My Soul. Au moins pour moi et pour tous ceux qui aiment, eux, ils vont pouvoir aller jouer à la pétanque. Taking me L'album est entré à la 5e place des meilleures ventes et cette semaine, il a atteint la 2e place. C'est un nouveau carton pour Tom Anders, c'est donc Don't Break My Soul, et le titre qui met en avant la ressortie de Let's Talk About Love, le deuxième album des Modern Talking, sorti en 1986. Et la pochette qui met en avant cet album, c'est un peu une revisite de la pochette du deuxième album, avec ce damier et les colombes, les bulles, enfin ça rappelle vraiment l'esprit des années 80. Tout de suite dans Destination Série, après avoir offert 3 minutes de bonheur à mes acolytes, voici le rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0. Et comme chaque vendredi, enfin là en ce moment c'est pas chaque vendredi, hein, il y a un peu de pause. Hein, c'est Benoît qui est tout le temps barré, donc on peut pas faire l'émission. Allez, c'est encore de ma faute. Mais là c'était toujours de ta faute. Pas, j'ai pas bougé en plus. Hein. J'aurais pu être là qui va dire en plus. J'aurais pu faire l'émission si on avait pu. Ah bah j'étais présent. Oui c'est vrai, tu n'étais pas à 7. Tu n'étais pas avec Ingrid. Non. Alors ce qui est fou du côté de Demain nous appartient, on en a parlé, c'est que tout le monde s'en va sauf Ingrid. Ouais. Et une petite anecdote pareil, il y a une nouvelle série qui est en tournage actuellement sur M6. Je sais plus comment elle va s'appeler. Nouveau jour. Un truc comme ça, oui. Et ben, c'est aussi dans le même coin. Et c'est encore plus près d'où j'habite. Ah oui. C'est à Aniane. Tu veux pas postuler en figurant. Donc voilà, là c'est incroyable. Montpellier, Aniane. Mais c'est le Hollywood français. Mais ça devient le Hollywood des séries. Sachant que la nouvelle série de TF1. De TF1. La lumière, je sais pas quoi. Tout pour la lumière. Eh bien, c'est tourné aussi dans le coin aussi. C'est connu, c'est près de Marseille, okay. Aussi dans le même coin. Donc, franchement, c'est. Alors, si demain on nous dit que faire des crossovers entre ces feuilletons-là, c'est pas possible, c'est vraiment se moquer de nous. Ah oui, là, on pourrait être dans la rue et croiser entre celle de France 2, un si grand soleil. Déjà qu'on a du mal de croiser Ingrid pour croiser les autres, accrochez-vous. Mais il y a quand même du beau monde dans celle d'M6, hein. Il y a quand même. Oui, on a Bruno Solo notamment. Bruno Solo et Hélène Noguera. Hein, donc, oui, un jour, je vais les récupérer sur ma terrasse. Mais la bande-annonce fait envie, hein, c'est vrai. Hein. Celles qui l'ont présenté, ça marche. Ça, ouais, ça peut. Mais ça. À voir. Ça fait quand même, du coup, un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, mais je sais pas si vous remarquez que là, en ce moment, le groupe qui est en train de monter en puissance, de monter d'un cran, c'est M6. Complètement, ouais. M6, là, ils ont mis l'argent sur la table pour avoir un feuilleton quotidien. Mmh. Et avec l'arrivée de Hanouna sur W9, parce que W9, jusqu'à présent, c'était plutôt une chaîne confidentielle. S'il réussit le coup à avoir l'audience qu'il avait sur C8, là, le groupe M6 va monter en gamme. Mais la bonne question, est-ce qu'Hanouna ne serait pas en partie responsable, justement, des projets et qu'il injecterait pas avec sa compagnie de production un peu d'argent ? C'est alors pas là, impossible. Alors là, c'est pas impossible puisqu'il est partout. Bah oui, il est donc, partout. Après, donc, tant mieux hein, oui. S'il favorise les productions. Mais en tout cas, là, en ce moment, on le disait hors antenne. Dans Secrètement Vôtre. Ah bah oui, j'attends les infos, il doit m'appeler ce soir. On fait rapidement, mais là, avec la chute de C8, certains pensaient qu'ils allaient récupérer les lauriers. Bah, que nenni. Les audiences de C'est à vous, de Quotidien et des autres sont même en baisse par rapport à l'année dernière où Hanouna était en phase 2. Et il y a quand même plus de 2 millions de téléspectateurs qui se sont évaporés, qui ne sont pas restés sur la TNT. Non, moi, je ne regarde plus la télé. Hein. Donc voilà, hein, c'était un sacré coup ce truc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voici le casting de cette semaine. Oui. Je vous le dis dans le désordre et à vous de me le remettre dans le en bon premier. Ordre. HPI. Alors, nous avons donc HPI, Capitaine Marlowe, Le Voyageur, Meurtre au Paradis, Face à Face, qui est cinquième. C'est Voyageur, c'est avec... Oui, je me rappelle plus. C'est Debrandt. Bruno Debrandt. Oui. Ah, ça marche bien, ça, mais... Oui, ça marche très bien, Le Voyageur. Bon, mais il n'est pas cinquième, alors. Bon. Hein Marlowe, c'était pas une rediff, donc... Il n'y a même pas Sam, du coup, t'as pas dit Sam. Ah oui. Alors, Sam, est-ce que je peux retrouver Sam? Ouais, bah, ça fait petit, hein, c'est 2 millions et demi, Sam, pas beaucoup. Sam, on est à 2 640. Oui, c'est ça, c'est pas quand mal. Même. C'est quand même, mais ça va. Un lundi, Boudère, avec son coup de théâtre, il a fait plus. Je tiens à le signaler. Non, hein, parce qu'on a tendance dans cette émission à sous-estimer Boudère et son coup de théâtre. Mais Boudère a fait plus de 4 millions. Hein. Ouais, là, votre Sam, là, 2 645. C'est la pire audience, c'est la pire saison pour Sam. Hein. Donc, à mon avis, Sam. Faut arrêter de changer les actrices. Oui, voilà, déjà, c'est ça, pas... oui, ça déroute, hein, ça déroute. La troisième était trop. Donc, oui. Alors, au revoir, Sam. Oui, alors, qui est cinquième? Meurtre au Paradis. Non, si, oh. Si. On a dit tous les autres, donc. Ah non, il y a une série que vous n'avez pas dite. Hein. Le Voyageur. Face à face? Non, Le Voyageur. Vous n'avez pas dit face à face. Moi, je dis Le Voyageur. Le Voyageur, c'est toi? Face à face. Face à Face est cinquième, à 2 919 000 téléspectateurs, 14,9% de part de marché, deuxième meilleure audience pour France 3 quand même, hein, Face à Face. Qui est quatrième? Meurtre au Paradis. Non, là Benoît, j'ai Le Voyageur alors. Le Voyageur. Et, alors, Benoît Le Voyageur et Sylvain, Meurtre au Paradis. Meurtre au Paradis, ça cartonne bien ça, à mon avis. Ouais, ça mais il y en a deux trop. En quatrième position, nous avons... Meurtre au Paradis, 3 897 000 téléspectateurs, 20,4% de part de marché. Belle audience pour France 2, avec le retour de Meurtre au Paradis, est troisième. Bon, alors là, c'est Le Voyageur, cette fois-ci. Oui, là, il n'y a plus de doute, c'est Le Voyageur. Le Voyageur est troisième, à 4 820 000 téléspectateurs, presque 30% de part de marché. Qui est deuxième? Alors, on a HPI et... Captain Marlowe. Moi, je dis c'est HPI. En deuxième? Non, il nous a fait des brouffes, c'est Capitaine Marlowe en deuxième. C'est HPI en premier. HPI en premier, Capitaine Marlowe en deuxième. Moi faire de l'esbrouffe? Ouais. Vous prenez pour qui? C'est le champion. Oui. Ouais. Donc en deuxième position, nous avons le Capitaine Marlowe. Surprise! À 4 927 000 téléspectateurs, près de 28% de part de marché. C'est un inédit. Leader, leader pour France 2 ce soir-là. On était le 9 mai, vendredi 9 mai. On n'en parle plus beaucoup de Capitaine Marlowe, mais toujours là. Hein, toujours là, et ça fonctionne tout seul. Mmh. Et donc en première position, vous l'avez deviné, c'est le retour de HPI. Tenez-vous bien. 6 231 000 téléspectateurs, presque 35% de part de marché. Il casse tous les records, en fait, c'est incroyable. Il y a eu des retours à 8 millions. Oui, mais là, on est bien quand même. Et là, en cinquième saison, mais on est toujours à plus de 6 millions. Il me semble que le dernier retour était un peu moins élevé. Oui. Parce que là, on est plus que le retour. Pourquoi? Mais parce que, t'as raison, Benoît, mais en fait, c'est parce que c'est la dernière. Oui, parce que les gens se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent. Ils sont au bout de leur vie. Alors, j'irai dans les archives de Destination Série sur samedi.fr et on fera le point la semaine prochaine pour voir de saison en saison les fluctuations que l'on a ou pas. Des fluctuations comme ça, toutes les séries le voudraient bien. Bah, TF1 voudrait ça sur toutes ces séries. Ça marche. Hein. Donc, en première position, nous avons HPI. En deuxième, nous avons Captain Marlowe. En troisième, Le Voyageur. En quatrième, Meurtre au Paradis. Et en cinquième, Face à Face, qui ne démérite pas à presque 3 millions de téléspectateurs. Le Manon Série Quiz. À 7h05, c'est chaud. Ouais. Alors, que fait-on, que fait-on? On garde le Manon Série Quiz pour la semaine prochaine? Bah, ça fera des vacances pour Manon. Oh, non, elle a déjà pas eu d'émission pendant 15 jours. Il faut la faire bosser un peu. Ouais, donc on y va. On y va, ouais. Allez, hop, on y va. Je raccourcirai, ça ira mieux demain. Destination Série, le Manon Série Quiz. Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode de la saison 2 du Manon Série Quiz. Ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas eu, j'espère que vous avez manqué avec toutes ces histoires de ponts, de jours fériés. Voilà, nous sommes de retour maintenant. Avant de commencer, je vais rappeler les scores. Nous sommes à 27 pour Benoît, 23 pour Laurent et le petit dernier là, qui est arrivé récemment. Nous sommes à 3 pour Sylvain. Cette semaine, je pense que vous en avez parlé aujourd'hui dans l'émission, c'est la reprise de la série HP. Et je pense que tout le monde le sait à ces tables, je suis une fanatique d'HPI, je suis d'ailleurs dégoûtée qu'elle s'arrête là, cette saison, cette série. Donc, je pense que vous avez deviné où c'est que je voulais en venir. Ça va être une spéciale HPI aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. Ça va vous remémorer plein de petits trucs. Donc voilà, je veux vraiment tester votre connaissance sur cette série. Est-ce que vous écoutez bien, est-ce que vous regardez bien? Et vous pouvez jouer avec nous à la maison. Voilà, voilà, voilà. On commence direct avec cette première question. En quelle année la première saison d'HPI a-t-elle été diffusée en France? Pour celle-là, je ne vous donne pas de proposition de réponse, parce que je pense qu'elle est quand même assez facile à trouver. Même si vous verrez après, je peux vous excuser. Et ce n'est pas celui qui est le plus proche. C'est vraiment, il faut tomber sur l'année pile. Je vous laisse réfléchir. Là, c'est ouf. On aurait eu tort de s'en priver. On est dans l'actualité. Alors, bon, cinquième saison. Cinquième, donc si on recule de 5, ça fait 2000. Est-ce que c'était avant le confinement? 2020. Je dirais 2019. Ouais, 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, 2020. Bah non. Bah non. Pourquoi? 2025, ça fait alors 5, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. 2019, je reste sur cette idée. 21, parce qu'ils ne savaient 23, pas que ça allait marcher 24, au départ, 25. Forcément, oui. Ils n'ont pas anticipé les tournages. Il y a peut-être en 2020, moi je reste sur mon 2020. Tu vois, c'est... Oui. Et comme ils n'ont pas commencé en fin d'année, ils l'ont commencé en septembre, ce serait 2019, à mon avis. Mais septembre ou octobre 2019, je mise sur ça. Parce qu'elle nous a dit que, en plus, elle nous a un peu aidé en disant, oui, on peut se tromper. Non, mais ça veut dire qu'effectivement, c'est ce... Des pièges. 2020. Moi, je alors, sais donc, 2020. Sylvain, 2019. 2019. Ouais. 2019. Mais il peut avoir raison. Benoît, 2020. Et moi, je dis 2021. Moi, à mon avis, c'est Sylvain ou moi. Sans vouloir. Ou Laurent. Ou pas. 2021. Pas. Alors, ça, non, 21, 22, 23, 24, 25. Ça veut dire que tous les ans. Oui, mais c'est pas en fin d'année qu'il met en route. Il y a un trou. Des fois, il y a eu un an et demi. Je suis sûr. C'est un tourné. Donc, c'est 2019 ou 2020. Allez. Dis-moi que j'ai raison, Manon. Dis-moi que je pense qu'au moins l'un d'entre vous trois l'a trouvé. La réponse était 2021. Et alors pourquoi j'ai dit que je voulais vous excuser si vous ne trouviez pas? C'est parce que Audrey Fleurot, dans une interview, c'est l'actrice principale, hein, Audrey Fleurot, je le rappelle, elle-même, elle n'a pas trouvé la réponse. Elle avait dit 2019. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, je vous pardonne totalement, puisque même elle n'a pas trouvé. Voilà, voilà. La deuxième question, je pense que... Alors, elle est pour Laurent, à mon avis, parce que c'est celui qui fait le rétroviseur, mais Benoît pourrait l'avoir aussi. La question est, quelle audience a fait la première diffusion d'HPI sur TF1? On n'a pas de proposition, en plus. Ah, c'est sec. Hein. Wow. C'est quand même fou qu'Audrey Fleurot ne sache pas quand elle a commencé. Ah non, mais moi, j'écoute Audrey Fleurot, moi, c'est ça ma référence. Je lis 2019, c'est 2019. J'avais la mauvaise info, désolé. Donc, ça veut dire que... J'avais l'info d'Audrey, voilà. Tiens, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupure, il y en a une par an, alors. Bah moi c'est le souvenir que j'en avais, hein. Moi je vous ai laissé dans votre truc. Là, il est fier comme un porc. Bah non mais là, il a trouvé les moi je me souviens télé, moi, vous verriez comme il est bon. Oh là, moi je ne me souviens pas dans la diffusion de HPI qu'il y eut des trous. Ah, je ne me souviens pas. Je me souviens que en fin de saison 1, on s'est dit vivement la saison prochaine et pour moi ça s'enchaînait alors c'était régulièrement. Ça a commencé peut-être en mai alors. Tu te serais justifié pareil si tu avais eu tort ou juste parce que tu as raison. Ah non mais moi j'aurais dit pareil, c'est que moi dans souvenirs, il n'y a pas de coupure. Mais je ne suis pas là pour raconter des conneries. Hein. Si mais... je me plante. Oui, hein. Tu as raison. Bon, alors, bref. Là, c'est que je commence à le gonfler. Là, quand il en arrive non. à ce stade-là. Mais non Mais non, mais je revenais raison, à la question. Benoît, qu'est-ce que tu veux y faire? Je vous rappelle quand même qu'il est 19h. Donc l'audience de la première. 7 millions. Ah non, c'est plus. Ah, moi, je suis à 8 500 000, 9. Ouais, moi, je sais. Ouais, 8 millions et quelques, 9 millions. Alors, 7 millions 5, je fais un effort. Allez. Non, 8 millions. Alors, s'il faut être précis. Est-ce que c'est le juste prix, le plus près gagne ou c'est... Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Hein. Mais non, elle n'a rien proposé. Non, mais elle n'a pas dit. Si... Ah non, mais elle a dit qu'il fallait. On peut pas tomber pile non, dessus, non. C'est pas possible. Moi, je dis plus de 8 millions. 8 millions 500 000 et quelques. Bon, alors. Ça a été un truc comac. Eh ben moi je dis 8 millions 7 pour être parce qu'on peut changer en cours de route. Bah non mais il a dit 8 millions. De toute façon, 5, elle va réécouter l'émission après non, elle fera ce qu'elle voilà. Elle, c'est elle le juge de paix. Oui oui, non mais je reste sur mon idée même si je me trompe parce que je suis réglo. Si ça se trouve c'est toi qui vas avoir raison cette fois-ci. Je sais pas. Puisque non, en tout cas Audrey m'a dit que c'était 7 millions. Bah c'est 5, le jeu alors. En fait. Oui, oui c'est le jeu. Donc tu as dit 7 millions. 7 millions 5. 7 millions 5, 8 millions 5, 8 millions 7. On y va ? Oui. Allez. La réponse était 9,8 millions. Par contre, sur celle-ci, pas besoin d'avoir exactement le nombre qu'il fallait. Le plus proche remporte le point. Donc voilà, ça m'étonnerait que vous soyez tombé tout pile sur le nombre. Voilà, 9,8 millions. Bravo, Benoît. Et la dernière question... Je ne sais pas oser dire 9, mais parce que je vous réserve peut-être une dernière question, on ne sait pas. Quel est le QI de Morgane ? Et là, aucune excuse, je veux le chiffre précis. Parce alors que, moi, je le sais. Genre, on le répète 15 milliards de fois dans les bandes annonces et même dans la saison 1, on en parle vraiment beaucoup. Donc, il me faut un nombre. Quel est le QI de Morgane ? Je le dis en premier, 160. Elle l'a redit hier. Et elle l'a redit aujourd'hui dans l'intro de ma rubrique. Oui, elle l'a redit hier. Il faut écouter l'émission, Benoît. Elle l'a redit c'est hier. Vrai ouais. Que je... ouais, bon, bah, c'est le point, ça sera pour. Ce sera pour. Ah, bah là, oui, je peux pas me tromper. En préparant, oui. Ah oui, il n'y a pas de suspense là. Non, suspense. Non. Un point chacun aujourd'hui. Oui, oui, là c'est un collégial. Alors, un dernier fichier, le 4. Je ne sais pas trop si vous savez comment ça se calcule un QI. En tout cas, Morgane a 160 de QI. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Et alors, parce qu'on n'a jamais assez du Manon Série Quiz, je vous fais une petite dernière question, une question bonus comme on les appelle. À quatre parce questions, que ça me faisait rigoler de vous entendre faire des maths un vendredi soir. Je veux savoir combien a-t-elle d'épisodes, combien le HPI a-t-elle d'épisodes en tout à ce jour. C'est au premier qui l'a. Il faut faire des maths. À votre avis, combien d'épisodes a cette série? Bah moi je dirais 40. Enfin à ce jour parce que est-ce qu'on compte ouais, voilà, il y a un piège. Il y a un piège parce que la 40 avec les à la fin de la 5e saison. Bah moi je dis le total à ce jour, c'est tourné de toute façon, c'est dans la boîte hein. Ah oui, tourné mais diffusé. La série on a 40, elle en restera là, normalement à 40. Ça, même si on nous 50. Annonce une série dérivée. 50 avec la saison 5. Mais non, 40. Non, 40. C'est une 8 dedans. Bah à chaque fois il y en avait 8. 5 fois 8. On a dit 10, tu vois, comme quoi. Non, il y en avait 8. Non, bah, et voilà, à ce jour, de toute façon. Une à 6, non. C'est ah non, c'était toujours calibré à 8. C'est formaté 40, dans ce sens, comme hier soir. Oui. Ils te diffusent le premier de la saison 5, le premier de la saison 4, le premier. De... Oui, et ils descendent. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc 40 pour toi, Laurent. Oui, moi 40 aussi. Donc, j'ai dit 5 fois 8, 50 40. Parce que j'ai une fierté. Voilà. Non, j'ai toujours dit 5 fois 8, 40. Non, je m'en fous si je me trompe. Donc voici le dernier fichier, 5 fichiers aujourd'hui. Si elle dit qu'effectivement, à ce jour d'aujourd'hui, oui, mais il y a peut-être une suite. Parce que c'est ça. Ouais, on nous annonce une série dérivée. Moi, j'aimerais bien des téléfilms. Non, mais oui. Maline, droit de tricher. À ce jour, de diffuser. Enfin, elle a pas dit diffuser, mais. Bah, elle a pas dit diffuser. Moi, à ce jour, dans les communiqués de presse, les mails que je reçois de TF1, c'est 40. Ouais. Attention à ne pas se faire avoir. Tiens. Puisque je demandais combien d'épisodes a-t-elle à ce jour. Tiens, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que le calcul est simple. Il y a 8 épisodes par saison. Ça fait 40. Il y a 4 saisons. Oui. Donc nous 40, sommes déjà 41. À 8 fois 4 qui fait 32, 33. Plus l'épisode qui est sorti hier. Ouais. Nous sommes donc à 33 je la connais. Pour la série HPI. Et tu te trompes. J'espère que ça a fait travailler votre petit cerveau. Regarde, bah moi ce jour voilà, c'est 40. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas noté les dates où la radio est fermée. Bah elle a pas dit diffuser. Moi j'ai pas entendu diffuser. On se retrouve au plus vite. Elle a dit à ce jour. Gros bisous et à bientôt. Bon, je pense que cette question ne compte pas. C'était la question. On pouvait que se tromper. Non, mais moi je dis pas qu'elle compte pas. Je dis juste que quand on m'annonce à ce jour, moi dans les infos qu'on a, ce jour, on a combien d'épisodes? Bah, on en a 40. Manon a toujours raison, c'est elle qui écrit les questions. Bah, c'est elle qui fait la chronique, elle a toujours raison, c'est sûr. Mais c'est moi qui pilote cette émission et c'est moi qui ai raison aussi. Donc, comme ça, tout le monde est content. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et on aura l'autre chanson de Tom Anders qu'on aurait dû avoir aujourd'hui, qu'on n'a pas eu. Donc, on ouvrira avec lui pour faire plaisir à Benoît. Non, mais tu peux la mettre, de toute façon, on n'a pas chargé les musiques. Alors, allons-y, mets-la tout de suite. On a le temps, oui, vas-y. Ah, on a le temps? On n'a pas chargé les musiques. Fais un effort, Laurent. Fais un effort. C'est-à-dire que moi, j'ai. Fais un effort, allez. Tu t'hésites, mais vas-y. Bah, c'est pas que j'hésite, c'est qu'il faut que je retrouve ma chanson. Ah, t'en as jamais une sous le coude, là, comme ça, toute prête. Bah, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, je bosse, hein. Et j'avais calibré l'émission. Thomas, excuse-moi, c'est prioritaire dans la vie. Oui, alors là, tout le monde ne dit pas ça. Voilà, il est là. Voici le titre qui faisait partie du précédent album, The First Album, sorti il y a 2 mois. Donc, on retrouve Tom Anders avec Hold Me Tight in the Night. Sweet and sometimes wild, and these moments feel like ecstasy. What I need. Ainsi s'achève ce 826e numéro de Destination Série. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur les séries, les audiences et compagnie.